Troisième volet de notre série sur l'année 1958 en Algérie. Aujourd'hui, l'internationalisation du conflit. Après avoir évoqué lundi le plan de Constantine comme dernier maillon d'une chaîne comportant de nombreux autres plans de réforme coloniale, puis hier nous avoir raconté l'expérience de jeunes femmes parties en 1958, 1959 et les années suivantes pour donner des cours à des jeunes filles en Algérie dans le cadre de la reconquête, comme on disait à l'époque, des corps et des esprits, un documentaire à réécouter sur le site de France Culture, nous allons ce matin, dans une émission qui sera co-animée par Séverine Attard, qui a préparé toute cette semaine avec nous, redire combien cette année 1958 fut essentielle, en particulier dans le cadre de la reconnaissance internationale du combat des indépendantistes algériens. Nous le ferons en compagnie de Raphaël Branche, elle est professeure d'histoire contemporaine à l'université de Rouen, elle est auteure entre autres en 2014 chez Payot de Prisonniers du FLN, et Malika Rahal sera également avec nous, elle est chargée de recherche au CNRS à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. De visiter le village frontière bombardé hier dans la matinée par l'aviation française. L'agglomération est très touchée, notamment le centre. Des deux côtés de la rue principale, le long de laquelle se tenait le marché, les maisons sont détruites. Des roquettes, de petites bombes et des balles de 12-30 ont été les projectiles principaux. Les bâtiments de la douane sont rasés, ainsi que ceux de la garde nationale. La poste est fortement endommagée, surtout intérieurement. Enfin, la résidence du délégué de la Croix-Rouge est détruite et j'ai vu devant ses décombres les deux grands camions blancs. Ici Jean Le Guérel qui vous parle de Tunis. Contrairement à certaines informations diffusées par les radios étrangères, dans la capitale tunisienne, la journée a été calme. On confirme que le nombre des morts de l'incident de Sakiyat Sidi Youssef s'élève à 75. Dans une ferme située entre le Kef et Sakiyat, ont eu lieu ce matin les funérailles des victimes du bombardement de Sakiyat Sidi Youssef, en présence de M. Bahil Abraham, secrétaire d'État à la présidence, et de plusieurs ministres. Le grand mufti a récité la prière des morts devant une foule nombreuse, mais recueillie. Il n'y a eu aucune manifestation. À cette occasion, M. Labram a prononcé un discours d'une vingtaine de minutes dans lequel il a repris les grands thèmes de la déclaration faite hier soir par le président Bourguiba à l'issue du Conseil des ministres, stigmatisant ce qu'il a appelé l'agression nationaliste et posant à nouveau la question de l'évacuation totale du territoire par les troupes françaises. Signalons d'autre part la publication aujourd'hui dans l'hebdomadaire du Néo-Destour L'Action d'un éditorial consacré à l'incident de Sakiyat, sous le titre « Bourguiba n'a plus le choix ». De cet article, nous extrayons ce passage particulièrement significatif. Déchirante ou non, une révision s'impose. Elle sera menée jusqu'à ses conséquences les plus lointaines. La dure réalité nous apprend chaque jour qu'à s'accrocher aux basques de l'Occident, on ne récolte que rebuffades et humiliations. Et le journal L'Action de conclure: une chose est claire, pour être respecté en 1958, on ne peut plus être ami de l'Occident. Pour être considéré et courtisé, il faut être Nehru, Tito ou Nasser. Le jour où Bourguiba se décidera à faire le chemin accompli par ce dernier depuis 1952, la Tunisie sera non plus calomniée et agressée, mais sollicitée. Et c'est signé L'Action. Ici Tunis, à vous Paris. Voilà pour cette première archive qui date du 9 février 1958 de cette émission d'archives du mercredi. Bonjour Séverine Attard. Bonjour. Bonjour à vous Malika Rahal. Bonjour. Et bonjour à vous Raphaël Branche. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc pour évoquer cette année 1958, on a entendu dans cette archive Nehru, donc l'Inde, Tito, la Yougoslavie, Nasser, l'Égypte, Tunis. Est-ce que ça signifie que déjà en 1958, au moment du bombardement de Sidi Sakiyat, on se retrouve dans un processus d'internationalisation de ce conflit algérien. Raphaël Branche, est-ce qu'il est déjà lancé ce processus? Est-ce qu'il se lance ou est-ce qu'il se développe pendant cette année 58 et en particulier à cause de ce bombardement en Tunisie de ce village? Alors, ce qu'on apprend dans les manuels scolaires, c'est qu'effectivement, le bombardement de Sakhiet provoque l'internationalisation du conflit, ce qui est une vision très française en fait des choses, puisque le conflit il est internationalisé depuis le départ en réalité, et quand du point de vue des nationalistes algériens en particulier, la recherche de l'alliance avec les partenaires arabes précède même la guerre d'une certaine manière, on pourrait dire. Donc ça veut dire que ce qu'on apprend n'est pas l'exacte vérité en l'occurrence, ou du moins c'est une vérité vue du point de vue français, c'est cela? Mais c'est très largement vu du point de vue français, bon, pour des raisons de connaissances historiques à l'époque on a fait les choses, hein. Et puis aussi c'est aussi un point de vue plus international, plus mondial, puisque c'est les États-Unis qui vont rentrer dans le jeu et ce genre de choses, alors que là je vous ai répondu plus à l'échelle régionale. Et en l'occurrence sur cette question, Malik Harhal, qu'est-ce que vous pensez de ce moment Sakhiet, de ce bombardement de ce village tunisien avec beaucoup de morts? Les questions qui se posent autour du bombardement de Sakhiet Sidi Youssef sont des questions qui se réfèrent à ce qui se passe 2 ans auparavant et au changement de donne provoqué en 1956 par l'indépendance de la Tunisie et du Maroc pour la France et pour l'Algérie. L'indépendance de ces deux pays change complètement les choses puisque la souveraineté française est théoriquement disparaît sur ces deux territoires limitrophes de l'Algérie. Ça ouvre donc des possibilités militaires de refuge dans les deux pays pour les combattants algériens puisque les deux pays soutiennent l'indépendance de l'Algérie. Et du coup, c'est autour de la question de la souveraineté nationale de ces deux pays, de leur souveraineté sur le territoire, des résidus de présence française militaire sur les deux territoires que se cristallise l'affaire de Sakhiet Sidi Youssef et qu'elle se joue et qu'elle doit se dénouer en quelque sorte. Séverine Attard. Et est-ce que d'un point de vue organisationnel, hein, c'est-à-dire, est-ce que par exemple le congrès de la Soumane qui a lieu donc en août 56 formalise aussi ou peut-être justement avant même le congrès de la Soumane, le FLN, le mouvement révolutionnaire algérien, formalise cette stratégie d'internationalisation du conflit Déjà. Alors la question, notamment la question de la relation avec les pays voisins et les pays frères, elle est constamment activée dans le mouvement national, en particulier dans les années 40 et les années 50. Dans tous les événements politiques, tous les grands congrès de partis politiques, Maroc, Algérie, Tunisie, on a toujours la présence d'invités de chacun des pays et le soutien mutuel est constamment réaffirmé. Du coup, 56, par exemple pour les Algériens, c'est un problème d'une certaine façon parce que ça veut dire que les deux pays voisins ont obtenu leur indépendance et qu'ils doivent se déterminer par rapport à ce qui se passe en Algérie. Ils doivent en même temps définir leur politique étrangère, leur positionnement vis-à-vis de la France. Et 58, c'est le moment où, en quelque sorte, leur position vis-à-vis de la France se radicalise d'une certaine façon parce qu'ils entrent beaucoup plus, et c'est le cas en particulier de Bourguiba, ils entrent beaucoup plus dans un positionnement non aligné, la référence à Nero, à Tito, etc. Nasser, bien sûr, et leur soutien à l'Algérie est réaffirmé. Ça se passe en janvier, on en reparlera, ça se passe ensuite à Tanger au mois d'avril. Mais vraiment, on a cette stratégie d'alliance régionale et l'idée qui vient très tôt, que c'est qui vient dès avant le début de la guerre, que c'est par les relations internationales qu'une partie de ce conflit avec la France va se solutionner. C'est à l'étranger qu'on va trouver les soutiens, qu'on va trouver l'armement et qu'on va trouver aussi l'appui politique qui est nécessaire à faire aboutir l'indépendance. C'est une crainte du gouvernement français de l'époque, justement du début de 1958, avant l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, que de voir justement ce conflit s'internationaliser, que de devoir justement rendre des comptes au point de vue international de ce qui est en train de se passer, même si ça fait déjà un petit moment que la France doit rendre quelques comptes, en l'occurrence Raphaël Branche. En fait, on peut découpler la question. C'est-à-dire que votre question, elle renvoie éventuellement aux Nations Unies, à la manière dont la France est saisie de ce qui s'appelle la question algérienne depuis 1955, en fait, hein, par très régulièrement par différents acteurs. Et en 1957, la pression est montée sur la France de ce point de vue-là à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis, on peut aussi la prendre du côté des pays frontaliers, ce que disait Malik Harhal à l'instant. Et je voudrais juste revenir sur l'archive qu'on a entendue pour comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait, on est à la frontière tunisienne. Mmh. Donc effectivement, les frontières sont poreuses. Enfin, elles sont de moins en moins, en fait, à ce moment-là. Mais elles sont poreuses. Donc la France aurait pu craindre, pour répondre à votre question, une internationalisation par la participation du Maroc et de la Tunisie à la guerre, ce qui n'a pas été le cas. Mais ces deux pays ont offert un refuge. Plus ou moins volontairement un refuge dans les zones frontalières, et notamment la Tunisie, tout au long de sa frontière, aux civils en fait, qui fuyaient la guerre et se sont installés à la frontière, non seulement des camps de réfugiés, mais aussi des camps d'entraînement pour l'armée de libération nationale, qui mêle les deux types de population, et donc le bombardement tue surtout des civils de ce fait. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, l'opinion internationale s'émeut justement de ce bombardement. Et puis en plus, ils ont la maladresse de faire aussi tomber des bombes sur les locaux du CICR et sur des ambulances du CICR, ce qui évidemment n'est pas très malin. Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, dont on va beaucoup reparler dans cette émission avec vous, Raphaël Branche, Séverine Yatta. Et ce qu'on entend aussi dans cette archive, c'est en Tunisie même, il y a des désaccords justement entre ce que va faire Bourguiba ou pas, puisque Bourguiba n'a pas le choix. Donc l'opposition semble dire, la Tunisie doit prendre position en faveur de l'Algérie. Il y a une définition vraiment de la politique étrangère tunisienne qui se fait autour de cet événement. Et justement, on pousse beaucoup Bourguiba à une forme de radicalisation, parce que aussi à l'intérieur se pose un certain nombre de questions, ce qu'on appelle les séquelles du colonialisme en Tunisie comme au Maroc, la présence militaire, ce qui a été imposé dans les traités d'indépendance. Puis il faut voir aussi la présence militaire française, et les impératifs économiques imposés à la Tunisie au moment de l'indépendance commencent à être remis en question. Et puis il faut voir un peu juste géographiquement comment ça s'organise de façon très très locale. Sarriyat est située sur la frontière très précisément, mais en réalité c'est pas la frontière militaire, parce que depuis 1956, depuis l'indépendance de la Tunisie, les Français ont commencé à organiser ce qu'on a appelé la ligne qui à l'époque est la ligne Maurice, une ligne de barbelés électrifiée qui sera plus tard renforcée avec des lignes châles, qui est située un peu vers l'intérieur du territoire algérien. Donc Sarriyat se situe à une quinzaine de kilomètres de cette ligne, dans un espace sur lequel la souveraineté est évidemment disputée, qui n'est pas un territoire tunisien, mais qui est un territoire utile pour le FLN du côté tunisien de la ligne Maurice. Et qu'est-ce qui peut arrêter justement, Bourguiba par exemple, ou même le Maroc, de ne pas totalement s'engager aux côtés des révolutionnaires algériens? C'est qu'ils veulent maintenir aussi des relations à ce moment-là déjà avec justement la France, maintenir des relations qui pourraient être des coopérations, par exemple économiques. Aucun de ces deux pays n'a intérêt à rentrer dans une guerre ouverte avec la France, et c'est vraiment ça la quadrature du cercle de cette période diplomatique. C'est que il faut jouer sur le positionnement de soutien des Algériens sans entrer en guerre ouverte avec l'Algérie, avec la France, ce qui serait très coûteux pour les deux pays, qui sont des pays tout neufs. Qui sont des plutôt avec des oppositions intérieures radicales, plus radicales, qui il y a aussi des problématiques internes à ces pays. Donc à chaque fois, ces deux tableaux qui se jouent. Alors 1958, ne serait-ce que par l'arrivée, le retour au pouvoir du général de Gaulle apparaît comme une année essentielle dans cette guerre. Mais déjà, on a l'impression que ce début de 1958 est une année importante. Enfin, que c'est un moment très important, Raphaël Branche, et que ça en fait peut-être, sinon l'année la plus importante, ce qui est toujours un peu idiot de dire dans une guerre aussi longue qu'il y a une année plus importante que les autres, mais enfin une année essentielle justement de tournant dans tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien les domaines locaux, régionaux, nationaux, enfin une sorte d'emboîtement des échelles, pourrait-on dire, Raphaël Branche. Oui, moi je crois que c'est effectivement, c'est d'une certaine manière l'année tournante de la guerre pour les histoires politiques françaises, de changement de république évidemment, l'internationalisation du conflit sans doute, à l'échelle du monde arabe, c'est la mise en place de l'Union de l'Égypte et de la Syrie, c'est la révolution en Irak, enfin on a globalement un contexte régional qui résonne très fort au Maghreb aussi, et puis à la fin, vous en avez déjà parlé, le plan de Constantine, enfin on a tous les mois quelque chose qui paraît un tournant. Donc est-ce que ça commence en janvier? Oui, d'une certaine manière, en janvier c'est ce que le FLN appelle la bataille des frontières, où il va essayer de casser justement ce que la France va réussir en fait, à savoir l'asphyxie des combattants qui ne pourront plus, ou qui auront de plus en plus de mal à passer de la Tunisie au Maroc, à l'Algérie pardon, et puis bien sûr l'internationalisation par le bombardement de Sakhet. Donc oui, ça commence très tôt et ça va et ça va être un tournant dans la guerre, oui. Mais alors, on continue avec d'autres archives que vous avez retrouvées, Séverine Yatar, une deuxième archive qui date de quelques jours avant celle qu'on vient d'entendre, c'est toujours en février, mais c'est le 3 février 1958. Et c'est donc sur les prisonniers, ça va être un enjeu très important, on verra ça notamment avec vous, Raphaël Branche, les prisonniers du FLN. Une archive de Paris vous parle. Allô Paris, ici Genève. Au moment où nous diffusons, le comité international de la Croix-Rouge siège à Genève. Ce matin, il a entendu son envoyé spécial, M. Jean Depreux, qui, en compagnie de M. Georges Hoffmann, délégué résident du CICR en Tunisie, a pu visiter longuement jeudi dernier, sur territoire algérien, non loin de la frontière tunisienne, les quatre prisonniers français capturés quelques semaines plus tôt à Sakiet Sidi Youssef. Vous connaissez les noms de ces prisonniers? Ce sont Jean Jacob, Vincent Morales, Henri Réléa, Jean Vialaron. Ils paraissent tous, ainsi que j'ai l'occasion de vous le dire à midi, en bonne santé. Nous avons espéré jusqu'au dernier instant que M. Depreux pourrait venir au micro de Paris vous parle. Cependant, le comité international de la Croix-Rouge a été d'un autre avis. Il ne l'a pas autorisé à s'exprimer devant un micro ou en présence de journalistes. Cette attitude se comprend. Genève est le siège, en effet, de l'institution à laquelle il appartient. Eh bien, cette institution examine en ce moment comment elle pourrait développer l'assistance humanitaire et l'envoi de secours aux prisonniers français qui seraient détenus par le FLN. Car en effet, les événements d'Algérie n'ayant aucun caractère international, les principes des conventions de Genève ne s'appliquent pas automatiquement. Cependant, le CICR ne désespère pas de faire bénéficier les prisonniers entre les mains du FLN du plus grand nombre possible d'avantages prévus par les conventions de Genève. Bien entendu, cette intervention, celle de la Croix-Rouge, est strictement humanitaire. Elle ne saurait en aucun cas avoir une influence politique quelconque. C'est ce que l'on dit ce soir à Genève. Une chose est certaine, c'est que M. Depreux quittera la Suisse jeudi ou vendredi pour se rendre à nouveau à Tunis. But de sa mission, nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler. Ici Robert Ferrazino à Genève. À vous Paris. Voilà une archive du 3 février 1958 qu'il est peut-être nécessaire pour nos auditeurs de traduire un tout petit peu. Raphaël Branche, qu'est-ce qu'il y a derrière justement cette négociation, cette discussion à Genève autour de la question des prisonniers de guerre auxquels vous avez consacré, prisonniers du FLN, un livre chez Payot? Elle est passionnante cette archive. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas de guerre en Algérie, officiellement. Et donc le CICR, qui est censé vérifier que les conventions de Genève qui encadrent les conflits sont appliquées dans les conflits, se trouve dès le début de la guerre face à un problème, c'est-à-dire comment faire pour intervenir alors que l'État français ne reconnaît pas le statut, enfin l'état de guerre. Donc le CICR va agir tout au long de la guerre pour pouvoir agir. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des conventions de Genève, mais il va négocier notamment l'application de ce qui s'appelle l'article 3 commun, qui permet d'intervenir dans ce qui s'appelle les conflits armés non internationaux. Et donc en fait, ça va être sa position tout au long de la guerre que la France ne va jamais reconnaître. Oui, parce qu'il faut l'accord pour appliquer cet article 3, justement, des conventions de 1949. Il faut l'accord des deux parties. Il faut donc que chacun reconnaisse l'autre comme un belligérant potentiel ou un adversaire potentiel. Alors justement, il y a un petit peu de souplesse qui permet que si un seul reconnaît, ça suffit pour rentrer. Parce que là, en l'occurrence, la France ne reconnaissant pas l'existence du FLN comme étant une partie au conflit, ça devient compliqué. Donc en fait, le CICR se contenterait d'une reconnaissance française. Et de fait, la France, par la voie de Mendès France, va dès le début de la guerre reconnaître la légitimité de l'intervention du CICR pour une partie du droit. C'est peu connu d'ailleurs, c'est en février 1955 que Mendès France, au bout de son pouvoir d'une certaine façon, va accepter du CICR, qu'il y ait des envoyés du CICR qui viennent sur le territoire algérien. Ça s'appelle des missions. C'est absolument, pour moi c'est vraiment, Mendès France sait qu'il va partir et il lègue ça à ses successeurs, l'obligation finalement de recevoir le CICR régulièrement. Ce qui va être très très difficile à mettre en place concrètement, mais ça va permettre aux prisonniers algériens détenus par les Français, dans certaines conditions et sous contrôle, d'être visités, comme on disait, par les délégués du CICR. Mais là, on parle donc des prisonniers français dans cette archive, parce qu'effectivement, le FLN fait aussi des prisonniers. C'est notamment une des choses qui a été décidée au congrès de la Soumam, d'en faire et de les garder vivants, pour en fait en faire des instruments de négociation. Et donc là, on l'entend très très bien par la négative, quand le commandant dit qu'il ne s'agit surtout pas d'en faire un usage politique. En fait, il s'agit essentiellement et uniquement d'en faire un usage politique, bien entendu. Et le CICR va se retrouver manipulé, en fait. Et donc là, on entend aussi dans l'archive que Depreux, le délégué du CICR, n'a pas voulu participer à la conférence de presse. En fait, il a refusé la conférence de presse. et que lui demandait le FLN et que lui demande la France, le CSCR veut tout le temps être en retrait parce que les deux parties essaient de l'utiliser à leur, dans leur sens, et en l'occurrence surtout les Algériens. Il faut d'ailleurs se souvenir effectivement combien le CICR a beaucoup de mal à assumer son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale et que ce poids de la Seconde Guerre mondiale pèse, on est à 14 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale ou 13 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça pèse considérablement sur l'attitude du CICR, c'est-à-dire ne pas se laisser manipuler comme ils ont été manipulés en particulier par les nazis. Il y a un énorme traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, mais les conventions de Genève de 1949 sont aussi une réponse à ça. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas que la pratique, il y a aussi le droit hein, pour les délégués. Donc oui, il y a bien sûr ça, mais il y a aussi des choses beaucoup plus complexes qui renvoient à ce qu'est le CICR, que les gens ont parfois du mal à comprendre, qui est un organisme qui ne rend pas public ses positions, par exemple, et qui agit auprès des gouvernements, auprès des partis. Donc sa prudence tient aussi à ça. Mais là, en l'occurrence, leur souci, c'est effectivement de pouvoir accéder à des prisonniers d'une rébellion, d'une guérilla. Et alors à la tête du FLN, comment ça se concrétise? Parce qu'il y a des mots d'ordre hein, qui sont donnés, alors qu'il s'agisse voilà du comité du CRA ou du FLN exilé. Hein, rappelons-le, les principaux chefs du FLN sont aussi prisonniers, soit sont en France, soit sont au Caire. Qu'est-ce qu'il est dit en théorie de ce qu'il faut faire de justement de ces prisonniers à tous les chefs, notamment des wilayas hein, qui sont responsable de certaines parties de l'Algérie à ce moment-là. Alors en fait, effectivement, 58 c'est aussi une année tournante de ce point de vue-là, c'est que la difficulté des liaisons entre l'intérieur de l'Algérie, les wilayas, et l'extérieur de l'Algérie où se place la direction politique vont aller en grandissant, et donc la capacité à pouvoir littéralement donner des ordres va être amoindrie à contrôler ce qui se passe sur le terrain aussi. Mais si on s'en tient au texte, il est dit au wilaya de faire des prisonniers, comme je le disais, et de les maintenir en vie autant que possible, dans la mesure où leur maintien en vie ne met pas en danger, bien sûr, les combattants de la LN. Alors ça, c'était une question vraiment essentielle, parce qu'on voit bien ce que c'est qu'une guérilla, enfin, donc le déplacement régulier de petits groupes qui vont d'un endroit à l'autre pour échapper à l'armée française. Et donc, évidemment, faire des prisonniers, ça veut dire emporter avec soi ces prisonniers. Oui. On ne peut pas les installer dans un camp et les y laisser, d'une certaine façon, puisque ce camp pourrait être repris très rapidement par les Français. Donc, au bout du compte, c'est à la fois une obligation, mais c'est aussi un poids. Mmh. Et vous disiez tout à l'heure, et vous l'expliquez très bien dans Prisonniers du FLN, Raphaël Branche, que, eh bien, on ne cesse de réaffirmer cette nécessité de faire des prisonniers, mais qu'on n'en voit pas tellement la couleur. On ne sait pas très bien quoi en faire de ces prisonniers, au bout du compte. C'est une nécessité politique et c'est un point militaire. Donc voilà, et les conditions de la guerre allant en s'aggravant, ce que je dis dans le livre aussi, c'est que l'espérance de vie des prisonniers va en se dégradant aussi de ce fait, parce que tout simplement la rudesse de la guerre est ce qu'elle est. Donc oui, mais néanmoins, on fait des prisonniers et néanmoins, on n'a pas le droit de les exécuter, par exemple, sans en référer au sommet de sa wilaya. Donc le FLN-ALN est une organisation hiérarchisée donc, qui fonctionne. Et donc, de ce point de vue-là, autant que possible, c'est respecté tout au long de la guerre. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. Dans le cas très particulier, pour revenir à l'archive de cette archive, on a un cas unique ici, en fait, unique à l'échelle de toute la guerre. C'est les seuls prisonniers, ces quatre-là, qui ont pu recevoir la visite des membres du CSR. Les seuls sur le millier de prisonniers, sans doute, qu'a fait la LN. Donc là, on est dans un cas vraiment tout à fait atypique. Et pourquoi est-ce que ça a pu avoir lieu? Justement, par rapport à ce que disait Malika tout à l'heure, parce que c'est dans cette zone un peu intermédiaire. Si vous avez entendu l'archive ou si vous la réécoutez, vous verrez bien que le journaliste parle de territoire algérien. Et c'est tout l'enjeu, puisque le FLN s'était engagé auprès des autorités tunisiennes à ne jamais détenir de prisonniers en Tunisie. Et alors, est-ce que c'est réellement? Évidemment, c'est pas le cas. Évidemment. Alors pour ça, dans ce cas-là, j'ai des doutes hein, sur l'endroit où ça se passe. Enfin, personne ne sait en fait en réalité où ça se passe, mais voilà, c'est dans cette zone, donc c'est peut-être un petit peu avant, un petit peu après la frontière. Et puis plus largement, on sait qu'il y a eu des prisonniers détenus en Tunisie. Dans les camps du FLN en Tunisie, il y a eu des geôles, donc il n'y avait pas de camp. Hein, mais 2-3 prisonniers dans des espèces de petites cellules, il y en a eu en Tunisie en contradiction avec les engagements du FLN. Mais est-ce que le FLN les libère, ces prisonniers? Est-ce qu'il y a quelques cas de libération? Alors oui, bien sûr, il y a des cas de libération, de même qu'il y a des cas d'exécution médiatisée. L'essentiel pour le FLN, c'est de médiatiser tout ça. On est toujours dans une guerre du pauvre contre le riche, dans une guerre asymétrique, où donc on va utiliser la médiatisation de quelques cas. C'est un peu le même argument qu'aurait employé Ben Midi à propos du terrorisme aveugle. Hein. on fait beaucoup de bruit avec pas grand-chose parce qu'on n'a pas forcément les armes pour faire autrement. Et donc là, en l'occurrence, ces quatre-là, qui ont été médiatisés, dont on a pu voir qu'ils se tenaient les bouts, qu'ils fumaient des cigarettes, qu'ils étaient à peu près en bon état, seront libérés à la fin de l'année à Tunis. À Villacoublé ensuite, ils arriveront tout à Villacoublé. Et là, on verra l'action du Croissant Rouge algérien dont vous avez parlé, du Croissant Rouge tunisien. Enfin voilà, on va être dans une médiatisation et une internationalisation au moment de leur libération à l'automne 58. Et en même temps, on a juste après, en avril 58, il y a exécution de prisonniers, oui, tout à fait. En représailles de l'exécution, je crois, d'un militant. D'Abderrahmane Taleb, voilà, tout à fait. Taleb, Alors justement, alors on médiatise les libérations, on médiatise les exécutions. Et juste, on pourra peut-être revenir sur les exécutions d'avril 58 qui sont très importantes dans l'histoire de la Ve République, parce qu'elles aboutissent à la Ve République finalement. Ce qu'on peut peut-être juste noter, c'est que les hommes qui sont exécutés, enfin, plus exactement, dont on publicise l'exécution, puisque leurs corps ne sont pas vus, on ne sait pas quand ils ont été exécutés, moi je pense qu'ils sont morts avant, mais en l'occurrence, on rend public leur exécution à une date qu'on considère comme étant une manière de signifier œil pour œil, dent pour dent, puisque des nationalistes algériens ont été guillotinés, et donc en représailles, on exécute des prisonniers. Or, ces prisonniers font partie du même régiment que les prisonniers de l'archive, et ont été faits prisonniers aussi autour de Sakiet. Et donc, on est en avril 58, et dans toutes les têtes, février 58, à fixer le mot de Sakiet. Donc là aussi, le FLN joue avec tout ce qu'il peut, hein, les moindres armes qu'il a pour faire entendre sa lutte, les raisons de sa lutte. Et vous disiez tout à l'heure, juste avant ce que vous venez de développer, hein, en l'occurrence, Raphaël Branche, que c'est cette question des prisonniers, de ces représailles, de ces exécutions, qui va conduire au retour au pouvoir du général de Gaulle. Oui, c'était un peu rapide. Est-ce que vous pouvez déployer un tout petit peu pourquoi ces événements sont importants pour le 13 mai 58 et le retour au pouvoir du général de Gaulle? Oui, alors je suis vraiment effectivement désolée, il ne faudrait pas dire ça comme ça, on sanctionne un élève qui dirait des choses comme ça. Non, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que la médiatisation de l'exécution de ces prisonniers va déclencher, donc on est à l'est de l'Algérie, des manifestations au monument aux morts des anciens combattants français qui organisent donc des manifestations de recueillement autour de ces morts. Et c'est à la suite de ces manifestations qui ne vont pas s'arrêter de fin avril à mai, la dernière étant au forum à Alger, au monument aux morts d'Alger en mai 58. Et cette manifestation-là va dégénérer en revendication politique, puisque le gouvernement général va être pris d'assaut. Et à la suite de ça, on a tout ce qu'on sait sur l'enchaînement de mai 58. Donc juste, on a bien compris qu'il y a une stratégie du FLN diplomatique à l'international, mais à l'intérieur de l'Algérie aussi. Ça compte, ces prisonniers, parce que ces prisonniers sont amenés où ? Ils sont amenés souvent dans les villages. Ils sont même pris en charge parfois par les populations. Oui. Et que c'est une manière aussi de faire de la propagande FLN dans l'Algérie profonde, hein, oui, en l'occurrence. Oui, je crois qu'il y a... Enfin, j'ai trouvé quelques archives absolument fantastiques sur ça, qui décrivent des combattants de la LN qui se racontent entre eux dans la correspondance le bonheur d'avoir un prisonnier et le bonheur des villageois de voir que leur maquisards ont réussi, finalement, à faire des prisonniers. En même temps, il y a une ambiguïté du FLN sur cette question qui renvoie à l'ambiguïté du FLN dans sa relation à la population civile algérienne. Donc, à la fois, oui, ça peut être utile en action psychologique sur les populations civiles, de montrer qu'on est assez fort pour faire des prisonniers. Et en même temps, on ne voudrait pas qu'il y ait des pressions exercées par les villageois sur la LN. Or, c'est le cas. Je connais d'autres cas de civils qui ont dit « mais il faut les tuer ». Il faut les tuer. Or, les troupes n'ont pas la possibilité, n'ont pas le pouvoir, puisqu'il faut demander au Conseil de la Wilaya l'autorisation de tuer. Alors, troisième archive de cette émission, donc consacrée à l'année 1958, et en particulier à la question de l'internationalisation du conflit. Une archive que vous avez retrouvée aussi dans les fonds de l'INA, Séverine Yatar. Elle date du 30 avril 1958. Et c'est la conférence de Tanger, hein, on a commencé un petit peu à en parler, qui essaye justement de créer une coalition maghrébine, ouais. 1958. Autre événement de la journée qui intéresse directement la tentative du président Pleven, bien que se situant hors de France, c'est la conférence maghrébine qui réunissait à Tanger, je vous le rappelle, les partis de l'Istiklal marocain, du Néo-Destour tunisien et des représentants du FLN. Cette conférence a terminé ses travaux. Jean Lefebvre nous dit quelles sont ses conclusions. À vous, Tanger. Ici Tanger, RTS. On s'attendait à des résolutions fermes de cette conférence de Tanger. Elles sont très dures. En un mot, le FLN a gagné. Il était venu pour créer un front de combat, il repart satisfait. Vous connaissez les résolutions adoptées au cours de cette conférence. On peut les résumer en quelques points précis. Premièrement, unité d'action en Afrique du Nord. La conférence décide que les partis politiques apporteront à l'Algérie le soutien total de leur peuple et l'appui de leur gouvernement. Deuxièmement, la conférence recommande la constitution, après consultation des gouvernements de Tunis et de Rabat, d'un gouvernement algérien. Inutile là-dessus d'insister sur les conséquences de ce geste. Troisièmement, appel à l'Occident et à l'OTAN pour l'arrêt de toute aide à la France dans la guerre d'Algérie. Quatrièmement, évacuation totale et immédiate des troupes françaises de Tunisie et du Maroc. Cinquièmement, projet d'assemblée consultative de l'Afrique du Nord. Et enfin, création d'un organisme permanent d'exécution de ce programme sous la forme d'un secrétariat qui fonctionnera à la fois à Tunis et à Rabat. Ce ne sont évidemment que des décisions de partis politiques. Ce qui est frappant, c'est le ton général, le durcissement total de cette Union nord-africaine. Les bons offices sont pratiquement abandonnés. Impasse ne veut pas forcément dire insoluble, heureusement, car Tanger risque de déboucher sur une impasse. Ici Tanger RTS, à vous Paris. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Une fabrique de l'histoire consacrée comme les quatre émissions de cette semaine jusqu'à demain, donc à l'année 1958 en Algérie. On vient d'entendre Jean Lefebvre évoquant cette conférence de Tanger et disant une phrase, le FLN a gagné. C'est vrai qu'à la radio française, c'est assez étrange d'entendre cela en 1958, Malik Haral. Oui, c'est vraiment une victoire diplomatique et une victoire de communication. La conférence qui a lieu du 27 au 30 avril 58 réunit les représentants des trois grands partis et les compositions des délégations sont vraiment intéressantes hein. Du côté marocain, donc c'est l'Istiqlal, le parti nationaliste, avec des représentants notamment Ahmed Balafrej qui est ministre des Affaires étrangères, Bouabid, Alel Fassi, le chef historique de l'Istiqlal et le plus internationaliste probablement des leaders de l'Istiqlal, qui est Mehdi Ben Barka. Côté tunisien, on a des gens comme Ahmed Tlili, par exemple, Abdelhamid Chaker, et encore un ministre de la Défense qui est Bahi El Adram. Donc vraiment des délégations de niveau ministériel. Et côté algérien, donc ça c'est les représentants du néo-destour tunisien. Et côté algérien, les représentants du FLN, notamment Farhat Abbas, Abdelhafid Boussouf et Abdelhamid Mehri, qui seront tous des ministres du futur GPRA. Donc ça donne un peu le panorama. C'est une rencontre au sommet. Voilà, c'est vraiment une rencontre au sommet. Et on se rencontre autour de ces trois objectifs principaux qui sont l'unité maghrébine, l'indépendance de l'Algérie et la liquidation des séquelles de la colonisation dans les deux pays devenus indépendants. Donc il faut juste préciser comment la révolution algérienne s'était gouvernée jusque-là, parce que c'est important de rappeler ce que c'est que ce FLN et cette gouvernance de la révolution. Le FLN, au départ de 54, c'est une organisation relativement petite qui s'organise et s'institutionnalise au moment, vous en avez parlé tout à l'heure, Séverine, du congrès de la Soumam de 1956. Où on crée un certain nombre d'institutions, un CNRA, un Conseil national de la révolution algérienne, qui est une sorte de parlement de la révolution. Évidemment, il n'y a pas d'élection parce qu'on n'est pas dans une situation où on peut voter, qui se dote d'un comité de coordination et d'exécution qui est l'exécutif de la révolution. Et l'objectif principal, c'est à la fois d'élargir sa base et d'aller vers la constitution en état, donc d'avancer vers des formes étatiques et une reconnaissance internationale. Donc c'est vraiment dans ce travail d'institutionnalisation que interviennent les événements de 1956, se poser comme pouvant discuter avec le CICR, c'est symboliquement une façon de se poser en état comme les autres états. L'annonce dont a parlé Raphaël Branche tout à l'heure de l'exécution des prisonniers français, elle est très intéressante dans la forme parce que elle a pour but de dire il y a eu un procès devant un tribunal d'exception, ces gens ont été condamnés à mort pour torture et viol, et donc ils ont été exécutés dans les conditions normales de l'exercice d'un état en quelque sorte. Du coup, la conférence de Tanger d'avril, elle joue là-dessus, elle joue vraiment sur le symbole de trois états dont le troisième est en formation et va accéder à son indépendance. Et en même temps, cette conférence de Tanger précède l'arrivée de Gaulle en 1958 au pouvoir, et là les choses vont changer. Enfin, en tous les cas, la Tunisie et le Maroc ne souhaitent plus forcément avoir la même position que justement le FLN en Algérie ou les soutenir. Enfin, justement, est-ce que c'est un échec au final à cette conférence de Tanger? Je crois qu'il y en aura une autre juste après, justement, Malcarra. Je pense pas que ça soit un échec. On est toujours dans ce positionnement des deux pays qui doit être très pragmatique. Encore une fois, il s'agit pas pour eux d'entrer en guerre contre la France, de participer de façon ouverte, mais de jouer sur ce positionnement de soutien et de proximité géographique au FLN en guerre, d'affirmation de l'unité maghrébine, et en même temps de conserver des relations non guerrières avec la France, tout en jouant sur le contexte international, sur le contexte de la guerre froide, sur la possibilité d'un non-alignement et la possibilité d'avoir des alliances avec d'autres pays. Donc on est vraiment dans cette définition assez complexe d'un positionnement, et du coup je pense pas qu'il y ait une défaite. On a quelque chose, je pense, de plus nuancé que ça, probablement. Raphaël Branche. Non, je voulais juste ajouter peut-être que un des enjeux qui est repoussé après l'indépendance de l'Algérie, c'est l'union des trois pays du Maghreb. Mmh. Donc c'est de faire une union maghrébine sur le modèle finalement de la République arabe unie qui se fait au même moment et qui sert en fait d'étendard pour dire l'union et l'unité, mais qui masque en réalité des rivalités énormes entre les trois pays et en fait une inquiétude du Maroc et de la Tunisie face à ce gros, énorme voisin qu'est l'Algérie, avec lequel déjà et à cette époque, on sait très bien qu'il y aura des conflits frontaliers. Voilà. Donc en fait, on est toujours sur ces différents registres, mais c'est vrai, je suis d'accord avec Malika, on peut, et avec le commentateur, on peut parler d'une victoire du FLN à la date en question, puisqu'il s'agit bien de dire que la priorité, c'est soutenir la lutte du peuple algérien. Quatrième et dernière archive que vous avez choisie, Séverine Yatar, elle date du mois de septembre 1958. Voilà, et déjà à la conférence de Tanger, peut-être il y avait cette idée qu'il fallait que le FLN forme un gouvernement, et donc c'est la formation du gouvernement du GPRA. Ici Jean-Luc Evel qui vous parle de Tunis. Aujourd'hui à 13h, au siège du Néo-Destour, les délégués du FLN, Krim Belkacem et Mahmoud Cherif, arrivés depuis mardi dernier en Tunisie, ont annoncé devant une cinquantaine de journalistes la constitution du gouvernement provisoire algérien. On sait que les deux délégués avaient été reçus hier matin par le président Bourguiba. Drapeau du FLN et de Tunisie, ainsi qu'une grande photographie en couleur du président Bourguiba, décorait la salle où étaient réunis pour la circonstance les membres de la presse en majorité tunisienne. Mais l'annonce de la formation de ce gouvernement avait été faite une heure plus tôt déjà au Caire. La liste des ministres ne diffère guère de celle diffusée dès mercredi par certains organes de presse, du moins quant aux postes principaux. La présidence est donnée à Ferhat Abbas, la vice-présidence et les forces armées à Krim Belkacem, l'information à Yazid. La liste définitive s'étire cependant sur une douzaine de ministères auxquels on a joint trois secrétaires d'État. Voilà, dans la constitution du gouvernement provisoire de la République algérienne, le titre n'est pas choisi pour rien, en l'occurrence Malika Rahal. Septembre 58, on n'a pas... Septembre 58, on veut faire référence évidemment à un autre gouvernement provisoire, mais c'était la République française en l'occurrence. Comme avec le CNRA, on voulait faire référence au CNR de la Seconde Guerre mondiale. Oui, la référence à la Seconde Guerre mondiale et à la résistance de la France, elle existe depuis la sortie de Seconde Guerre mondiale. Tous les mouvements nationalistes algériens y font référence, s'identifient à elle, reproche à la France de ne pas être à la hauteur de son propre héritage de résistance et révolutionnaire. Voilà, donc le parallélisme est total. Et justement, cette stratégie, Malika Rahal, elle vient quoi de la culture politique des leaders algériens ou pas? Beaucoup de cette culture politique, elle est liée à c'est pas le seul berceau de formation politique, mais il y a un certain nombre de chefs politiques et militaires qui sont des enfants de l'école française et qui ont appris à l'école française un certain nombre de textes, un certain nombre de références historiques qu'ils ne manquent pas de réutiliser contre l'impérialisme français lui-même, et de faire référence à ces de pointer ces contradictions et ces ces ambiguïtés. Oui, la stratégie de la Gistera, d'une certaine façon, on se retrouve face à un mur et on renvoie la balle à celui qui est à côté de soi. Raphaël Branche, on peut dire tout de même que l'intelligence aussi de ces stratèges du FLN, c'est de mettre à la tête de ce GPRA Ferhat Abbas, par exemple. Est-ce que c'est un... Mais en fait, c'est vrai que pour répondre à la question sur les références françaises, Ferhat Abbas, typiquement, et même Malika pourrait le dire bien mieux que moi, fait partie de cette composante du FLN qui est effectivement complètement trempée de culture française, de références françaises. Mais il y a le FLN, c'est multiple, c'est hétérogène, et il y a d'autres références, d'autres formations et d'autres usages. Donc là, on regarde ceux qui regardent la France et ceux qui est adressé à la France, mais il faudrait, quand on regarde ce qui est adressé à d'autres parties du monde, ils savent jouer sur d'autres, encore une fois, d'autres types de partitions, et ça, c'est vraiment intéressant. Et juste, sur le GPRA, le GPRF, parce que moi, j'adore cette ruse, enfin, c'est fascinant, parce qu'en plus, le GPRF, c'est Alger. Hein. Oui. Et là, précisément, le GPRA n'est pas à Alger. Et comme le dit l'archive, il est proclamé à la fois au Caire et à Tunis, qui sont les deux grandes villes qui ont accueilli effectivement le gouvernement en exil. Donc on est vraiment dans quelque chose qui a une longue histoire, qui date de la Deuxième Guerre mondiale elle-même, et de l'engagement de certains Algériens dans la résistance, mais aussi évidemment un message adressé à De Gaulle. Bien évidemment. Malika Rahal, sur ce GPRA, est-ce que ça change justement dans cette année 1958 que d'avoir un gouvernement provisoire en exil qui peut s'adresser au monde entier comme étant justement le représentant légitime d'un État en formation? Pour moi, c'est vraiment peut-être le bilan le plus important de l'année 58. C'est que quand même, à la fin de l'année, on a les acteurs en place qui sont susceptibles de négocier pour mettre fin à la guerre. On a un gouvernement algérien qui est dirigé par Ferhat Abbas, qui a vraiment ce passé et cette posture qui lui permet l'aura d'un chef diplomatique, une réputation internationale et qui donc peut être un bon interlocuteur. On a De Gaulle de l'autre côté. Donc les acteurs sont là avec cette nouvelle République française et ce gouvernement provisoire. Et néanmoins, côté français, ça bloque et on ne veut pas quand même négocier avec ce gouvernement algérien. Donc les choses sont en place à la sortie de la guerre, et ça permet de continuer pour le FLN de continuer à étendre cette stratégie qui est double. On a beaucoup parlé d'internationalisation, et pour moi, les deux se jouent sur le même plan, c'est-à-dire l'internationalisation, c'est une façon de s'institutionnaliser comme État et de se constituer en état. Et stratégiquement aussi, le GPRA est composé un petit peu de différents mouvements, enfin de personnalités qui ont participé à la fois au PPA, à l'UDMA, et ça cautionne ça aussi une certaine crédibilité, c'est-à-dire c'est l'Algérie dans son ensemble, le GPRA. Oui, on a les différentes forces politiques, d'ailleurs il y a de la contestation autour de ça. Choisir Ferhat Abbas, l'ancien président de l'Union démocratique du manifeste algérien, son secrétaire général plus exactement, la présence de l'association des Aoulama, qui s'est un peu tardivement rallié au FLN. Des gens un peu de parcours, il n'y a pas tout le monde, hein, mais des gens de parcours relativement différents. Effectivement, ça donne une assise un peu plus large, et ça prolonge en quelque sorte la stratégie qui avait été celle d'un des stratèges et des penseurs de la révolution algérienne, qui est Aben Ramdane, l'idée de faire venir l'ensemble des forces politiques algériennes, ou la plus grande partie d'entre eux, pour rallier le Front de Libération Nationale dans une direction qui ait un contenu politique réel. Pour autant, la guerre n'est pas terminée. On va encore avoir trois bonnes années de guerre à la fin de cette année 1958, et les Français, on l'a compris dans ce que disait Malika Rahal, Raphaël Branche, n'ont pas l'intention de baisser la garde. En l'occurrence, on est encore dans un contexte où on veut non seulement, par le plan de Constantine, comme on l'a dit lundi, rester, améliorer la situation si c'est possible de la majorité musulmane, mais ne pas céder d'une certaine façon, et on est encore dans un plan qui dit on sera là dans 5 ans, et peut-être encore dans 10 ans, en l'occurrence en 1958. Oui, je crois qu'effectivement, là, il y a une tentative du GPRA, mais qui est une tentative à destination du reste du monde et pas tellement de la France, puisque pour reprendre juste la réflexion de Malika, si on avait voulu négocier, on n'avait pas besoin du GPRA, on pouvait négocier avant, la France aurait pu négocier avant, et donc en fait ça ne va pas changer grand-chose dans un premier temps. Parce qu'effectivement, septembre 1958, c'est aussi le référendum que lance De Gaulle sur le changement constitutionnel, pour lequel, pour la première fois, tous les Algériens, et toutes les Algériennes surtout, vont pouvoir voter. Donc on est au contraire dans un mouvement de réforme en profondeur de l'Algérie française, qui a commencé aussi depuis le début de la guerre, vous l'avez montré, pour maintenir l'Algérie française. On en est encore là, côté français, à ce moment-là. Et un mouvement aussi de répression, parce que c'est Charles. Et évidemment, maintenir l'Algérie française, c'est toujours la même chose, réforme d'un côté, répression de l'autre. Oui. Et puis, Malik Haral, vous l'avez noté dans un article que vous avez rédigé sur mai 58, on a encore cette idée qu'on peut avoir une Algérie fraternelle qui raccueillera et qui réintégrera les musulmans à l'égalité des droits, etc., etc. Il y a toujours cette idée, et avec cette difficulté d'ailleurs de faire quoi faire de mai 58 dans l'imaginaire à la fois français et algérien, puisque les uns et les autres disent est-ce que c'est un faux-né, ces manifestations où des femmes sont s'installent sur la place publique et disent on est française et musulmane, on a le droit d'être là. Et les autres disent, ben non, c'est même une erreur qui a été faite par les Algériens que de participer à ces manifestations. Oui, il y a un vrai truc avec les manifestations autour du 13 mai 58 et ce qu'on a appelé les fraternisations franco-musulmanes, arabo-musulmanes. Enfin, il y a tout un tas de noms pour ces manifestations. Alors, de quoi s'agit-il en peu de mots? À partir du 13 mai, on a vu arriver sur la place du Forum à Alger, un groupe de gens qui seraient venus de la Casbah et qui seraient venus pour apporter un soutien de la population dite musulmane, c'est la façon qu'on a d'appeler la population colonisée, donc de la population colonisée à De Gaulle et à ce mouvement de manifestation à Alger. Ça se développe dans les jours qui suivent avec un certain nombre de mises en scène complètement spectaculaires où des femmes affirmeraient leur soutien et leur désir de fraternisation et d'assimilation à la France en se dévoilant publiquement sur la place du Forum à Alger. Alors, on se rend compte assez vite qu'il y a toute une mise en scène autour de ça, que ces gens sont pas forcément extrêmement nombreux, qu'il y a notamment autour des femmes qui se dévoilent, il y a des femmes de généraux, notamment la femme de salon, qui font venir peut-être leur femme de ménage, la femme de massue. Qui a une association de femmes. Qui a des associations de femmes qui font venir, alors des femmes dont on dira plus tard que c'est des femmes de ménage, peut-être des prostituées, on ne sait pas trop, pour les dévoiler. Et c'est fascinant. Enfin, je veux dire, ces scènes qui sont filmées, qu'on peut trouver sur le net, sont fascinantes. Une hystérie dans la foule. Enfin, il y a un truc de charivari dans la foule européenne face à cette participation supposée de la population colonisée, comme si tout d'un coup c'était ça les nouveaux héros, et une appropriation du corps des femmes comme symbole de l'assimilation possible, qui est une forme d'auto-hypnotisme de la foule. C'est-à-dire, il va y avoir une solution. Voilà, il va y avoir une solution. Elle est un peu mise en scène, peu importe, mais on y croit. C'est-à-dire, l'Algérie française, c'est possible parce qu'on a quelques dizaines de personnes qui ont participé et quelques femmes qui se sont dévoilées. C'est ça notre avenir, ce qui peut s'analyser à l'infini. Et en même temps, juste le documentaire d'hier parle aussi de ça. Le CFJA, c'est quoi? Ce sont des femmes, justement, colonisées et pieds noirs qui vont venir alphabétiser les jeunes filles musulmanes. D'autres jeunes filles. Dans cette idée de fraternisation également. Quoi. Oui, cette fameuse phrase qui a été reprise dans toutes les guerres coloniales ensuite, conquérir les cœurs et les esprits. On l'entend encore jusqu'à l'Irak, à la Syrie. Des femmes, on verra ça demain. Oui, on verra ça demain, effectivement. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. En l'occurrence, je voulais juste vous poser une petite question, puisque vous dirigez la revue 20e siècle, en l'occurrence. Raphaël Branche, cette revue très régulière et que nous lisons très régulièrement ici à la Fabrique de l'Histoire, publie un nouveau numéro qui vient de sortir sur le patrimoine, c'est ça? Oui, c'est un numéro dirigé par Vincent Lemire, Pascal Goetschel et Yann Potin. Et leur projet, rapidement, c'était d'interroger ce qu'ils appellent le rendez-vous manqué des historiens avec le patrimoine. C'est-à-dire, comment est-ce que les historiens ne se sont pas saisis en France de l'objet patrimonial, donc la manière dont on a fait patrimoine d'un certain nombre de choses. c'est dans la revue 20e siècle. Et puis, parmi le patrimoine, il y a les archives. Absolument. Un dernier petit mot sur cette question des archives. Vous avez été celle, avec d'autres, qui avaient lancé l'alerte sur les archives essentielles telles qu'elles devaient être mises en place par le gouvernement, une nouvelle politique des archives. Qu'en est-il aujourd'hui, Raphaël Branche? Je voudrais juste revenir sur une manière dont les choses ont parfois été présentées. Cette pétition a recueilli 9000 signatures d'historiens, d'archivistes et de citoyens. Il s'agissait absolument pas de dresser les uns contre les autres, mais au contraire de dire que les archives étaient une question politique et une question citoyenne. Donc cette question, elle a été entendue, je crois, plus largement en France. Est-ce qu'elle a été entendue au niveau du gouvernement? J'en suis pas complètement sûre. Il y a un moratoire, c'est ça? Le directeur du CIAF vient de changer, donc on verra comment, quelle nouvelle politique on nous annonce. Pour ce qui est de la ministre, du service interministériel des archives de France, pour ce qui est de la ministre, elle a effectivement annoncé qu'on allait prendre le temps de la réflexion pendant un an et de dialoguer avant finalement de reprendre la politique qu'elle avait annoncée. Donc pour l'instant, on n'est pas complètement sûr que ce moratoire aura des effets et donc il faut rester vigilant. Oui, nous l'avions annoncé ici, on parlait ici effectivement de cette question, cette tension que l'on sentait entre archivistes et historiens, qui nous apparaissait comme assez étrange, étant donné qu'on... Non, il n'y en a pas. Et en fait, là, on va justement mettre en place une association qui va essayer de pérenniser des formes de dialogue entre nos deux professions, apprendre à mieux se connaître, à dialoguer ensemble sur le long cours, et surtout un temps qui n'est pas celui de la politique, un temps qui est celui des archives, et donc qui est celui du très très longtemps. Prendre le temps. Merci beaucoup. Merci à vous deux, donc merci Mali Karahal et merci à vous Raphaël Branche. On continue demain autour de la question de l'armée, les armées en présence en 58 en Algérie. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. À la technique aujourd'hui, Jean-Frédéric, c'est à la réalisation Marie-Laure Ciboulet. Et puis rappelons donc qu'on peut évidemment discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, nous suivre sur le réseau Twitter, l'adresse Twitter c'est Fabrique FC, que le livre de Raphaël Branche consacré aux prisonniers du FLN est publié chez Payot depuis 2014.